mesdemoiselles, messieurs, mes chers amis, mes chers camarades. Lorsque les organisateurs de ces séries de conférences m'avaient demandé mon concours, je ne pensais vraiment pas. Essayez de vous révéler, puis dans un contexte qui peut faire un fond de toile satisfaisant pour un anarchiste et qu'est la situation politique actuelle. Lorsque je regarde ce qui se passe autour de moi depuis 15 jours, j'ai l'impression de voir une société qui ressemblerait à ces vers de terre qui ont perdu leurs assises, qui se convulsent et essayent de retrouver une position. Ils finiront en morceaux, éclatés devant les réalités actuelles. Camarades, l'anarchie, naturellement, ne peut pas être mêlée à ce tripotage de morceaux de papier où l'on croit, où l'on espère voir sortir la pierre philosophale. Mais l'anarchie, qui est tout de même une organisation, une conception de l'organisation des hommes dans la société, l'anarchie ne peut pas rester naturellement indifférent à cette confrontation, à cette convulsion auxquelles nous assistons actuellement. Mais une deuxième idée m'était venue et je m'étais dit, voyons donc, parler de l'anarchie, dire ce qu'est l'anarchie. Non, ce qu'il faut d'abord dire, c'est ce que n'est pas l'anarchie. Il faut d'abord dire pourquoi. Parce que, je crois, jamais dans l'histoire des philosophies, dans l'histoire des économies, dans l'histoire des éthiques, car l'anarchie qui tend à l'universalité est tout cela. Jamais une conception des êtres, les uns avec les autres, n'a été aussi déformée que l'anarchie. Le mot, ah, tout le monde sait d'où il vient. C'est un colosse que nous avons du mal à conserver auprès de nous, que tout le monde nous réclame et se réclame. C'est Proudhon qui, devant le socialisme césarien, qui, devant un nihiliste petit bourgeois, le lançait à la tête de cette bourgeoisie 48arde, le lançait à la tête de Monsieur Lafitte, qui lui avait crié « Enrichissez-vous !» à la classe moyenne, alors que l'économie qui naissait venait de créer un prolétariat miséreux. Il est donc bien certain qu'il fallait d'abord dire ce que n'était pas l'anarchie. Et l'idée que vous avez, lorsque vous ne savez pas ce que c'est que l'anarchie, c'est rabâcheuse, c'est-à-dire le terrorisme, c'est la licence, une certaine licence intellectuelle, disons Jean Cocteau, eh bien l'anarchiste, c'est pas cela. Le terrorisme, mais pour quiconque regarde l'histoire, tout le monde sait ce que c'est. C'est une poussée de pierre qui touche tous les corps philosophiques à leur naissance. Et avant les anarchistes et avant la bombe de Vaillant, on a vu le couteau de Felton, celui de Ravaillac. Et depuis, on a vu bien pire, d'une manière industrielle dans ces dernières années. Et personne n'a jamais pensé à dire que l'Église catholique, personne n'a jamais pensé à dire que la réforme, peu d'entre vous diront que le nationalisme exaspéré, c'est le terrorisme, et surtout, c'est surtout le terrorisme. Je voulais dire cela pour faire litière des arguments de ma concierge. Parce que les hommes vivent à travers des règles, et que bien souvent, ces règles les ont gênés. Les anarchistes ont voulu faire éclater un certain nombre de ces règles. Ils l'ont fait à travers une morale dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis derrière, un certain nombre de gens, comme on en rencontre pas seulement autour de l'anarchie, ont fait de l'exhibitionnisme. Et cela, naturellement, on l'a porté au crédit de l'anarchie. Vouloir vivre d'une manière décente dans un couple entre un homme et une femme, ce qu'on fait maintenant, ce que préconisaient les anarchistes il y a 50 ans, c'est la licence, c'était la licence. Et les mots sont restés attachés à l'anarchie. Par conséquent, il faut d'abord, lorsqu'on veut examiner cette méthode de vie et d'organisation qui est l'anarchie, écarter tout cela. Mais écarter tout cela, ça ne veut pas dire pour cela que je ne suis pas ou que je renie un homme comme Émile Henry ou un homme comme Vaillant. Non, ils ont été un moment de mon histoire, comme ils ont été un moment des autres de leur histoire. Et je ne leur renierai pas, mais je ne veux pas, et je ne permets pas qu'on prétende que l'anarchie, c'est simplement cela et c'est cela. L'anarchie, on lui a fait un autre reproche. Il est certain que la pensée libertaire s'est étalée à la fin du siècle dernier. Elle a été un rameau de cet arbre qu'on a appelé le socialisme, et elle s'est étalée avec une rapidité assez considérable autour de la Méditerranée. Cette conception de l'homme qu'avaient les anarchistes, c'était quelque chose qui était très près, disait Albert Camus, de cette civilisation de la liberté qui a pris naissance dans le pourtour de la Méditerranée. Et elle s'est étalée à travers quelques grands cerveaux. Il est certain que Proudhon, dont je parlais, a été un monument de l'économie, que Kropotkine a été un grand savant, qu'Élisée Reclus a été un géographe dont on se rappelle encore aujourd'hui, que Tolstoï a été un écrivain prodigieux, que Dostoïevski aussi. Mais l'affaire était frappante. Et alors, cette petite bourgeoisie qui voyait en anarchie quelque chose d'extrêmement sérieux, où il ne s'agissait plus de déplacer simplement les économies, mais faire cette véritable révolution qui est marquée essentiellement par le changement des rapports que les hommes ont les uns avec les autres. Cette petite bourgeoisie a fait courir cette idée générale. Bien sûr, l'anarchie, c'est quelque chose de magnifique. Son enseignement rejoint l'enseignement du Christ. Elle considère que l'homme est bon, ce qui n'est pas vrai. Et en tous les cas, l'anarchie, c'est une science pour intellectuels, et lorsqu'elle est mal digérée, et lorsque le prolétariat qui n'a pas les capacités, ni la connaissance, ni l'intelligence pour la digérer, ça produit le terrorisme, ça produit la licence, ça produit un certain nombre de choses qui sont néfastes à la société. Eh bien, ça a été ça, toutes les choses que je voulais rejeter de cet exposé, que je voulais faire constructif. J'ai voulu d'abord balayer toutes ces négations. Voyez-vous, et on peut dire à la fin de cette première partie, que les hommes qui ont été des hommes donnés ont été forgés, façonnés au cours de millénaires, et maintenant les millénaires qu'on peut calculer à travers l'histoire montent à 5 ou 6, et que naturellement, lorsqu'ils se transplantent, lorsqu'ils essayent de mettre en pratique des formes nouvelles d'organisation ou de contact humain, il se produira toujours des bavures, bien sûr. Mais, et je le répète, lorsqu'on examine les bavures de notre philosophie, de notre économie, et je pense même à la guerre d'Espagne, car je n'ai pas peur d'aborder tous les problèmes, on pense que ces bavures-là paraissent bien pâles, paraissent bien ternes, et qu'en tous les cas, Ravachol lui-même n'a jamais employé la magnéto. Camarade, et je m'excuse parce que je suis un militant ouvrier si j'emploie cette forme qui me revient très souvent à l'esprit et à la bouche. Camarade, l'anarchie, c'est d'abord une morale. Il est certain que l'anarchie, c'est l'organisation de la révolte. Qu'est-ce que la révolte? La révolte, c'est le sentiment qu'ont tous les hommes de se dresser devant l'injustice. Camus disait dans L'homme révolté, l'homme a heureusement la révolte. La révolte, c'est le moteur de l'histoire. La possibilité de dire non, de vouloir autre chose, de s'indigner et de risquer tout ce qu'il est possible de risquer pour s'indigner. C'est seulement cette chose-là qui a fait bouger et qui fera bouger l'histoire. Le vieux monde tranquille auquel nous appartenons peut-être, et moi aussi par certains côtés, est beaucoup plus conservateur que ça. Mais il est certain que ce vieux monde du confort intellectuel, comme ce vieux monde du confort matériel, c'est un frein à l'évolution de l'humanité. Or l'homme, qui est donnée qui est là, on ne sait pas trop pourquoi, ou au moins on ne l'examinera pas ce soir. Cet homme-là, il est jeté quand même dans l'histoire. Et dans l'histoire, il déroule cette histoire. Il ne peut la dérouler que dans la mesure où il est en état de révolte. En état de révolte contre ce qui existe, en état de révolte contre lui-même. Et il est bien certain que cette révolte, elle se matérialise d'une manière la plus efficace à travers l'anarchie. Je pourrais, mais nous n'aurons pas le temps, reprendre devant vous tout ce que dans le domaine de la morale et de l'organisation, les anarchistes préconisaient il y a 100 ans. Tout ce qu'on disait n'était pas possible, que c'était immoral, que ça ne devait pas se faire. Et voir le travail que les idées anarchistes ont fait dans le monde et nombre de ces solutions qui sont aujourd'hui adoptées comme quelque chose de normal par l'ensemble des hommes. La morale, l'anarchie, c'est d'abord une éthique, une morale. C'est essentiellement ça au début. Stirner, qui a été le plus grand et le précurseur de la morale du comportement des hommes anarchistes les uns envers les autres, Stirner, qui tirait d'ailleurs un certain nombre de son enseignement de Nietzsche, Stirner nous avait dit que l'homme était naturellement libre, que cet homme-là, pour des nécessités que nous examinerons, qui sont économiques et d'organisation, pour que sa tâche soit plus légère, pour qu'il puisse produire plus facilement, à moindre frais, à moindre effort, l'ensemble des choses qu'il avait besoin, que cet homme-là, naturellement, s'était associé, mais que cette association était née des classes et des chefs qu'on avait produit un peu plus pour que cela ait un peu plus, et que le naturel des hommes qui sentaient que l'essentiel de la défense de leur personnalité, de leur défense de cette petite mécanique merveilleuse qui était entre eux-mêmes et qui était unique, car nous avons tous en nous-mêmes une petite mécanique merveilleuse et unique qui ne ressemble en rien à celle du voisin, tout cela ne pouvait être défendu que par le comportement libre de l'homme vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre. Mais si c'est une morale, l'anarchie, c'est également une philosophie. Et Kropotkin nous disait que l'ensemble du travail des hommes doit être basé non pas seulement sur les profits que les hommes peuvent tirer de leur travail, mais également sur la répartition de ce profit d'une manière juste, d'une manière équitable, d'une manière égale pour tous. Et quand Kropotkin disait cela, c'était une tollée, même dans les écoles socialistes, et puis le temps a passé, et nous avons vu des groupements de distribution de l'économie en France, aussi sérieuse, aussi bourgeoise, dirais-je, venant presque tous des milieux de centres radicaux socialistes, comme les mouvements de l'abondance, reprendre presque entièrement dans leur théorie de la distribution, et en particulier les jeunes patrons actuellement, reprendre presque complètement les théories qui étaient celles de Kropotkin. Mais l'anarchie, c'était aussi une lutte. Et l'homme qui marquait plus la lutte pour faire triompher cette espèce de justice sociale et cette espèce de comportement social qui était essentiel pour que l'homme se développe en harmonie, cette espèce de lutte qu'il fallait mener, l'homme chez nous l'a mieux développé, ça a été un russe qui s'appelait Bakounine. Bakounine appartenait à l'école des révolutionnaires russes que dans les possédés Dostoïevski nous a peint d'une manière si admirable. Il venait de l'école Nietzsche. Il avait fait naturellement, comme beaucoup de ses camarades, l'essai du terrorisme. Venu dans le monde occidental, après avoir passé un temps en Allemagne et en Autriche, Bakounine se trouve en contact avec les socialistes et en particulier avec les hommes qui vont former et faire la première internationale, Varlin, Lefrançois, Blanqui, d'autres comme cela, qui ont tous tiré leur réalité économique de Proudhon. Et ensemble, avec ces hommes-là, ils vont bâtir une théorie du combat révolutionnaire. Et puis, si l'anarchie est une morale, une philosophie, une méthode d'action, elle est aussi un système économique. Le système économique, il n'y avait qu'à puiser dans le titan du siècle. L'homme qui avait, en réponse à Marx, qui avait écrit l'histoire d'un révolutionnaire, philosophie de la misère en réponse à la misère de la philosophie. Camarade, Proudhon avait établi deux lois, dont la première était la loi des contrats. Proudhon, se penchant sur la société de son temps, nous avait dit, voyons, il est certain que un système égalitaire est le seul système socialiste où les hommes trouveront chacun la part qu'il aurait dû. Il est certain que nous vivons dans une société qui est structurée. Mais à travers cette structuration de la société, il existe un certain nombre d'éléments qui sont inutiles, qui sont les rouages de l'État. Les seules forces vives de la nation sont constituées par les hommes qui travaillent. Et il avait préconisé ce qu'on a appelé par la suite le fédéralisme, qu'on a appelé le contrat, c'est-à-dire le contrat entre les producteurs. Et ça encore, c'est passé dans les mœurs. Certes, nous avons vu entre un moment un vieux maréchal à court d'idées économiques se réclamer assez souvent de Proudhon, on ne sait pas trop pourquoi, mais nous voyons aujourd'hui, à travers un certain nombre de sociétés qui se sont constituées, et en particulier à travers l'UNEDIC, à travers les assurances sociales, à travers d'autres sociétés comme ça, se réaliser cette espèce de concentration entre les détenteurs de capitaux, les travailleurs, les classes moyennes connaissant le maniement technique de l'économie, et nous voyons, naturellement en conservant le profit, mais nous voyons cette espèce d'association des forces de production se réaliser en dehors de l'État, tel que l'avait préconisé Proudhon. Mais Proudhon avait préconisé autre chose. C'est lui qui, le premier, a posé le principe du socialisme égalitaire. C'est lui qui, le premier, a déclaré que le travail était une marchandise que l'on devait offrir à tous les hommes, quels qu'ils soient. C'est lui qui, le premier, s'est dressé, s'est élevé contre cette espèce de division des hommes. Je ne dirais pas suivant leur capacité, mais suivant leur caractère. Et surtout, contre l'attribution à une partie de ces hommes d'une valeur économique et sociale différente. Bien sûr, Proudhon, avec sa vaste intelligence, n'a jamais nié toutes les différenciations qu'il pouvait y avoir entre les individus. Il a bien compris que des individus étaient aptes à faire une tâche, d'autres à une autre tâche. Les anarchistes ont toujours dit et toujours bien compris, eux qui sont justement les défenseurs de ce qui est le caractère particulier, individuel de chacun. Ils ont bien compris qu'entre les hommes, il y avait des différenciations nombreuses qui étaient leur caractère particulier, mais où il s'est élevé, c'est contre le caractère social et économique que prenaient ces différenciations. Il est bien certain que c'est là le problème central au point de vue économique, non pas seulement pour le socialisme, mais pour l'ensemble des travailleurs, pour les anarchistes. Parce que, ce que disait tout à l'heure, que ce qui caractérisait une transformation des hommes, c'était la transformation des rapports les uns avec les autres. Et il n'y aura pas de transformation des rapports entre les hommes tant qu'il y aura des hommes qui se verront attribuer une valeur plus grande à un effort qu'à un autre effort. Et c'est Proudhon qui, le premier, posait le principe d'un socialisme égalitaire qui a été assez suivi avant et après la Commune de Paris, mais qui peu à peu s'est dégradé. Les organisations socialistes ayant perdu leur attribution qui consistait à enseigner aux hommes pour la remplacer par une vocation qui consistait à suivre les hommes. Ah bah, il est donc bien certain que lorsqu'on regarde ce que peut être, d'une manière générale, le mouvement libertaire, on peut dire qu'il a un caractère universel. Un caractère universel parce qu'il touche à tout ce qui intéresse l'homme dans le domaine du travail, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la préservation de cette chose merveilleuse qui est lui-même. Mais vous dire cela serait certainement pas suffisant dans la période actuelle, et je sais très bien que ce que les hommes aiment connaître, ce n'est pas seulement le caractère philosophique d'une discipline, mais c'est également les possibilités de son application. Ce que les hommes aiment savoir, c'est les possibilités de la confrontation de cette discipline avec les réalités.